son des cloches nous fait penser à la belle période du temps des fêtes. Les Bleuets Fortins du 555 de 15 secteur Mississini vous souhaitent une très belle période des fêtes. Les Bleuets Fortins font partie du paysage depuis plusieurs générations. C'est une entreprise qui est la couleur des nôtres, c'est-à-dire le bleuet. La direction et le personnel de Bleuets Fortins vous souhaitent un joyeux Noël et que la prochaine année soit prospère. Bleuets Fortins au numéro de téléphone 276-86-11. Ici Éric Tremblay de Haltech. Aucune occasion n'est plus propice pour vous offrir nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez témoignée envers l'équipe de Haltech pour vos systèmes de climatisation et d'échangeur d'air. Nous visons un objectif bien précis, la qualité. Nous vous assurons notre entier dévouement afin de vous offrir des produits et un service supérieur. Profitez des jours de fête et soyez prudents. De la part d'Éric Tremblay et toute l'équipe de Haltech. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou varietélcr.ca. Les skis de Rouyn-Noranda connaissent une saison tout à fait exceptionnelle et l'entraîneur-chef Gilles Bouchard, ben, est natif de Normandin. Question de savoir un peu s'il s'attendait vraiment à ça, on lui parle. Salut Gilles! Attends. Gilles, est-ce que tu t'attendais vraiment à ce qu'à la pause des fêtes, que ton équipe soit en tête du classement de la Ligue de hockey junior du Québec? Ben écoute, c'est certain qu'au début de l'année, on pensait pas qu'on allait être premier. On savait qu'on avait une très bonne équipe, on allait être compétitif. OK. On avait l'équipe pour être dans les six premiers. Ça, on n'avait pas de doute là-dessus, mais tu sais, on savait pas comment les choses allaient s'assembler, là, la chimie, etc. Fait que, sauf que de ce côté-là, ça a très bien été. Puis, on a un bon groupe de leadership, puis naturellement, on a des bons joueurs. Mais on a une chimie, les gars, ils ont vraiment une bonne chimie entre eux autres, puis je pense que ça a un gros impact dans nos résultats, puis le fait qu'on soit premier au classement général, puis deuxième au Canada. Hey, justement, si on parlait de ça un peu, est-ce que là, vous venez de faire une acquisition incroyable, ce qu'on dit, A.J. Greer, qui était un choix de deuxième ronde de l'Avalanche du Colorado, jouait à l'Université de Boston. La première question, puis je l'ai posée à Daniel Tremblay, qui est ton beau-frère, qui dirige les Castors. J'ai dit, hey, Gilles Bouchard, il est donc bien vendeur, fait partir quelqu'un de Boston, qui est pas mal une des plus belles villes aux États-Unis, et l'emmener à Rouyn-Noranda. Je sais pas s'il l'a endormi, je sais pas s'il l'a drogué avant de prendre une décision, mais quelle piste de vente t'as fait? Ah, oh, tabarouette. Oh. On suit le destin, mon ami. La première affaire. Mais, c'est assez spécial. La partie de Boston, on est à Rouyn. Oui. C'est un paquet de petits facteurs. Puis nous autres, moi, je parlais avec les parents les deux dernières années, tout le temps, au moins une fois par année. Okay. Les parents voulaient vraiment qu'ils continuent à Boston. Puis, on parlait à son agent de temps en temps, mais on savait que c'était peine perdue. Puis là, lui, il avait une saison qui était plus difficile là, cette année à Boston. Puis, différentes petites choses. Fait que j'ai eu un téléphone mercredi soir. Puis, le processus a commencé. Puis, écoute, là, ça a déboulé assez rapidement, finalement. Ben, il est arrivé, il était là vendredi soir à Rouyn, il est venu à notre game, il n'a pas joué, il est arrivé en plein pour le début de la game. C'est sûr que c'est une grosse acquisition pour nous autres. C'est un gars qui est 6 pieds 3, c'est un power forward, c'est un gars d'énergie physique. C'est en plein genre de gars qui nous manque. OK. Donc il va jouer, j'imagine, ses deux premiers trios. Est-ce qu'il y a une adaptation? Parce que jouer junior majeur, c'est 70 matchs. Jouer les collégiales, c'est 40 matchs. C'est pas le même train de vie. Est-ce que tu penses que ça peut demander une grosse adaptation? Oui, c'est certain que c'est pas pareil. Ouais. Que lui, et quand tu vas à l'université et tout ça là-bas, là, donc l'école, c'est certain que c'est pas la même chose. Tandis que là, il va tomber avec des cours à distance universitaire ici. Et c'est sûr que ça va être différent. Puis le rythme de vie n'est pas pareil. Ça, c'est sûr et certain. T'sais, nous autres, quand on part pour des voyages ici, puis il y a des matchs en semaine beaucoup. Donc, ceux qui vont avoir une adaptation de ce côté-là. OK. Là, c'est-tu, au moment où on enregistre l'entrevue, évidemment, on est en pleine période de transaction. Est-ce que tu t'attends de bouger pas mal? Est-ce que, parce que dans le junior, il y a toujours une fenêtre, il y a une fenêtre qui s'ouvre vraiment. Or, vous êtes deuxième au pays avant la période des fêtes, ou durant la période des fêtes. Est-ce que tu t'attends vraiment d'être très, très actif sur le marché des transactions ou C'est sûr qu'on va être actif, mais tu sais, pas de grand. On bougera pas beaucoup là, parce que tu sais, on veut pas. On a un bon noyau, on a une bonne gang de gars, fait qu'il faut faire attention là. Oui. Là, on a déjà un nouveau de rentrée. Il faut pas commencer à penser à rentrer 5-6 joueurs, parce que là, on est deuxième au Canada. Là, OK. Va falloir rester discipliné là-dedans, être intelligent, manœuvrer comme il faut, puis. Il faudra faire attention, mais c'est certain que oui, il y a des chances qu'on rentre d'autres joueurs, mais on n'en rentre pas. Quoi, devant le filet, peut-être améliorer ça? Bon, devant le filet, on est correct. C'est Sam Harvey. C'est un jeune de 17 ans qui a un avenir prometteur. Après ça, on a Chase Marchand comme joueur de 20 ans qu'on a pogné au balotaire au début de l'année, qui présentement je pense qu'il est la meilleure moyenne de la ligue. OK. Fait qu'il y a des trucs très intéressants. Fait que, c'était une belle surprise de Chase. On a été chanceux, encore une fois. Mm. On a deux grosses acquisitions qu'on peut se compter chanceux. Chase Marchand et AJ Greer dernièrement. Ouais, OK. Continue à suivre le défi. La chimie, c'est tellement important, parce qu'on le voit dans peu importe le sport. On le voit dans la Ligue nationale. Quand arrive la date limite d'élection, c'est pas nécessairement les équipes qui ont bougé le plus, qui va loin. Hein. C'est souvent la chimie. Tu sais jamais comment le joueur va s'acclimater à l'équipe aussi. Hein. C'est ça. Puis, tu sais, question de rôle là-dedans, tu sais, faut pas trop bousculer les rôles, là. Tu sais, quand t'as un gars qui est habitué à jouer en piqué, va pouvoir appeler, t'es à 5 contre 5, puis t'arrives, là, et tu rentres deux joueurs, et il se ramasse qu'il joue en piqué, puis c'est tout. Tu sais, ouh, c'est 5 contre 5. C'est ça pour faire attention. Okay, okay. Gilles, je veux te parler de la rivalité avec Val-d'Or. On en a parlé dans les différentes entrevues qu'on a faites ensemble, sauf que là, ça doit être encore plus particulier, parce que le Val-d'Or est la deuxième meilleure équipe de la Ligue, derrière Rouyn-Noranda. Ça a-tu augmenté d'un cran encore la rivalité entre les deux? Parce que là, au moment où on a fait l'entrevue, vous venez de disputer deux matchs entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. C'était Canadien-Nordique, mais là, vous êtes les deux meilleures équipes de la Ligue. Ça a dû augmenter d'un cran. Oui, ça a augmenté. C'est un scénario assez incroyable, là, dernièrement. Les deux matchs qu'on a joués, c'est bien plein. Okay. Nous autres, 3330 dans notre arena. C'était pacté vendredi soir. Une ambiance phénoménale. C'était un enfer. Fait que, c'est game de playoff. Game de playoff, les deux derniers matchs. Fait que oui, ça a augmenté le cran, puis je pense que c'est positif pour la région puis nos partisans, les deux organisations, là, d'avoir deux bonnes équipes comme ça là, qui se rencontrent, là, puis que c'est vraiment spécial. OK. Et penses-tu vraiment que, mais du côté de ça va augmenter également les foules? Parce que je voyais sur le site de la Ligue, c'était la dernière partie, c'est le record de l'assistance de la franchise, je peux me buser. Hein? Oui, un record, puis c'est... Ça a un impact. Et on peut voir avec le nombre de personnes qui étaient ici au dernier match, tu vois que ça a vraiment un impact. Il y a deux autobus de Val-d'Or qui sont descendus. Ouf. En plus. Hey. Ça fait que ça brasse. C'est quoi? C'est 45 minutes à peu près entre les deux? C'est une heure. C'est 105 km. OK. Donc, c'est ouais. Quand même beaucoup. C'est pas mal, Gilles, on va aller à la pause. Puis, je veux te parler. Il reste deux, trois petits sujets que je veux te parler. Je veux te parler des championnats du monde de hockey qui vont être disputés en temps des fêtes. Est-ce que Gilles Bouchard pourrait être intéressé éventuellement? On en parle après la pause. Ici Dominique Tremblay, directeur général de la Coop des Deux-Rives. En mon nom personnel et celui de toute l'équipe, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et vous remercie pour la confiance témoignée durant l'année à nos succursales BMR de Saint-Prime et de Normandie. Ici Sylvain Rouleau, directeur de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur de la Caisse populaire des Jardins des Plaines-Boréales. À l'occasion du temps des fêtes, rien n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime. Cette période d'année nous offre une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et de partager des moments magiques. Au nom des dirigeants et du personnel de vos deux caisses, nous vous remercions de la confiance témoignée tout au long de l'année. Que 2016 vous apporte bonheur, santé, prospérité et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. Joyeuses fêtes. Ici Hugo Maltin, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Pendant le temps des fêtes, il y a des traditions qui unissent les gens autour de valeurs comme le partage avec nos proches de moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Les membres du conseil de la MRC et son personnel se joignent à moi pour vous transmettre nos vœux de bonheur, de paix et de santé. Que la nouvelle année soit pour vous synonyme de succès et d'excellence. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. De retour à TamRadioSport.com avec l'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard, qui est natif de Normandin. Gilles, c'est les championnats du monde de hockey junior au moment où on se parle. On sait que tu fais partie du programme de Hockey Canada. Tu étais entraîneur, je pense, c'est les moins de 17 ans, si je ne m'abuse. Ouais, est-ce que ça t'intéresserait? Parce que là, avec les Huskies de Rouyn-Noranda, parce que deuxième au pays... L'équipe, j'imagine, si l'équipe va mieux, va loin en série, le nom de Gilles Bouchard va être très avancé. Est-ce qu'éventuellement, dans les prochaines années, un poste d'adjoint ou même d'entraîneur-chef pourrait être intéressé? Oui, c'est certain que là, j'ai vécu avec Hockey Canada les deux dernières années de programme Under 17. OK. Puis, en plus, on a gagné. Cette année, on a gagné avec notre équipe. On a battu les Russes en finale en novembre dernier. Fait que, c'est sûr qu'on a vécu des bons moments, puis c'est certain que c'est le fun d'être dans le programme de Hockey Canada. Maintenant, là, c'est de voir là, si je vais appliquer pour les moins de 18 l'année prochaine ou pour continuer le processus là, pour aller de l'avant là-dedans. Là. J'ai pas pris de décision encore. C'est certain que c'est des belles expériences, mais en même temps, il faut que tu laisses ton équipe. Je pense au programme de moins de 18, là, ça se passe tout au mois d'août. Ouais. T'es pas là pour tout le camp d'entraînement avec tes joueurs. T'es parti pendant 3 semaines. Fait que, c'est pas quelque chose qui est évident. Puis c'est pas évident aussi pour ton organisation, pour tes propriétaires aussi en même temps. Là, c'est quand même. Le plus important, c'est quand même notre équipe. Fait que c'est des grosses décisions. Mais oui, je vais peut-être continuer là-dedans. Mais c'est pas... Parce que l'an prochain, c'est à Montréal. Donc là, les réflecteurs vont être sur un compte davantage sur l'équipe canadienne. C'est à Montréal. Exactement. Mais tu sais, j'ai pas pris de décision encore là-dessus, mais c'est certain que c'est quelque chose qui m'intéresse. OK. Récemment, Benoît Groulx fait une sortie dans les médias parlant des jeunes, parlant que c'était de plus en plus difficile pour les jeunes de pratiquer le hockey junior et c'est... Comment tu vois ça? Est-ce que ça a changé beaucoup? Puis là, l'approche avec les jeunes depuis quelques années, c'est sûr que... Ça a changé, si on compare dans notre temps. Ouais. Ça a bien gros changé. Puis, les jeunes, c'est vraiment du cas par cas. Puis, c'est vraiment traiter chaque joueur un à un. C'est rendu, faut vraiment faire attention, faut que tu aies une bonne communication avec tes jeunes. Puis, parce que... L'éducation n'est pas pareille, l'éducation des jeunes a changé, l'encadrement. Certain que c'est une adaptation, puis c'est pas pareil comme... Parce que, mais le fait que tu as une équipe vraiment extraordinaire cette année, ça doit quelque part être plus facile de ce côté-là, pour cette année-là. Tu sais, j'ai une bonne gang de gars cette année, puis... Bon, on a un bon leadership. Les gars sont, ils aiment ça être ensemble, ils ont du fun. Puis, nous autres, ça va bien, sauf qu'ils restent quand même que des fois, ils arrivent là. C'est quand même du hockey junior, les jeunes de 16 à 20 ans, fait que c'est pas toujours parfait. Là. Faut pas penser que ça va tout le temps bien. Okay. Les parents, parce que moi, j'en fais souvent des entrevues de hockey mineur avec le hockey mineur, puis des histoires d'horreur, on en a en masse. T'es dans simple lettre, puis... Puis on compte déjà, ça là, il y a des parents qui comptent les statistiques, qui comptent tout, puis des dents simples lettres. J'imagine qu'au niveau junior, que les jeunes sont à la porte de la Ligue nationale, à la porte d'être repêchés. Est-ce qu'un parent, est-ce que c'est difficile pour un entraîneur junior de dealer avec les parents? Non, c'est pas difficile pour tout. OK. Nous, On lui parle. OK. Je pense que les parents qui nuisent à leurs jeunes, ça c'est sûr, même dans leur hockey junior. Maintenant, nous autres, on fait plus affaire avec les agents. OK. Mais c'est plus avec les agents que je vais traiter qu'il y a des situations qui vont moins bien. C'est pas, les parents sont jamais impliqués dans le processus. Là, fait que c'est plus direct avec le joueur ou avec l'agent, nous autres, dans notre situation. OK. Mais l'agent, est-ce que ça prend beaucoup de ton temps, ça, un agent? Non? Non, ça dépend. OK. Ça dépend. OK. Ça dépend, c'est jamais pareil. Okay. Des fois, ça peut prendre bien du temps, puis des fois, les choses peuvent se régler bien rapidement. Dans l'ensemble, là, ça va quand même bien que les agents. Ouais. OK. Gilles, est-ce que tu viens dans le temps des fêtes ici? C'est sûr que Rouyn-Noranda, c'est pas à côté, là, mais est-ce que tu viens voir ton chum Daniel? Moi, je vais descendre. Ouais? Je vais descendre le 21 ou le 22 décembre, puis on va voir la famille, les parents vont être là 2-3 jours, puis après ça... Je vais m'en aller à Trois-Rivières une journée. Ensuite, le 26, il faut que je sois à Sorel avec mon gars, parce que mon gars va faire partie probablement de l'équipe des meilleurs joueurs de moins de 17 ans. OK. C'est bon. Je vais m'en aller là à Sorel. Ouais, je vais m'en aller là à Sorel. Puis le 27 ou le 28, là, on m'en aller à Gatineau. Nous autres, on joue le 28 à Gatineau avec mon équipe. On va aller directement en tournée rejoindre l'équipe là-bas. OK. Tu sais que... Ça va ressembler à... Ouais, tu sais que Daniel Tremblay, ça va bien cette année. Hein? C'est pas mal le fun, les Castors de Dolbeau, son équipe. C'est pas mal le fun de les voir. Daniel m'a dit que tu parlais régulièrement. Ouais, il parle. Ouais, on se parle. Puis je sais qu'il était... Ils ont combien de suites? Ah, c'est son huitième au classement à POC. Donc, ça te donne une idée comment ils sont forts. Là. Ça va bien. Bonjour. Ouais, effectivement. Ben, Gilles, il me reste qu'à te souhaiter de joyeuses fêtes. Mais c'est pas mal le fun de voir les Huskies de Rouyn-Noranda en tête. Et on va avoir si ça continue, on va sûrement avoir l'occasion de se parler. L'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard.